إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc qui c'est qui peut me résumer la première règle des quatre règles? Masha'Allah, Adil a bien révisé. Allah al-Musta'an. Alors, comment tu peux la résumer? Première règle. En une phrase. Résumer, hein, c'est-à-dire, vous voyez, toute la règle, les explications, qu'est-ce qui ressort de cette première règle-là? Nous, on est plus excusé par Allah. Hein? Que Allah, c'est lui qui donne tout la subsistance. Il ressort le Tawhid. Naam, c'est sur ce thème-là, ça c'est clair. Alors? Alors? L'arsène? Hanifa. C'est quoi? Première règle. La première règle, en fait, c'est en une phrase. Vas-y, relis-la, la première règle. Alors, ça, la première règle, bismillah. Le premier principe, sache que les mécréants qui combattaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient qu'Allah est le créateur qui dispense ses bienfaits aux hommes et dirige sa création. Pourtant, ces croyances ne faisaient pas d'eux des musulmans, comme le prouvent les paroles du Très-Haut. Bismillah ar-Rahman dit, qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre? Qui dispose de lui et de la vue, qui fait sortir le vivant du mort, qui fait sortir le mort du vivant, qui dirige toutes les choses et répondront, c'est Allah. Dis, ne craindrez-vous donc pas? Barakallahu fik. Là, le dernier verset qu'il vient de lire, ça vous donne déjà un résumé, cette preuve-là, de ce qu'implique, de ce qui est mentionné dans cette première règle. Donc c'est quoi? Vas-y, relis le verset là. Il faut que ce soit clair, clair, clair. En fait, il y a le désaveu dans la première shahada, dans le sens que, ça ne veut pas dire en fait, dans le sens que parmi les gens, il y en a qui diront qu'ils seront, qui croiront en Allah, mais ça ne veut pas dire que ce sont des musulmans qui sont. Il faut être très précis là, qui croiront quoi en Allah? Dans le sens que la création voilà. Le fait de croire en Allah ne suffit pas pour croire en Allah quoi exactement? De croire qu'Allah est le créateur. Voilà. Barakallahu fik. Là, vas-y, refais une lecture du dernier verset là que tu as dit. Qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre? Donc là, barakallahu fik, c'est Allah Azza wa Jal, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire au qui? Il s'adresse aux polythéistes, aux associateurs. Ouais. Dis qui vous procure. Ça veut dire qui vous donne le risque là, ce risque là, ouais. Allah. Voilà. Qui dispose de lui et de la vue. D'accord. Qui fait sortir le vivant du mort. Ouais. Et qui fait sortir le mort du vivant. D'accord. Et qui dirige toutes les choses, bah, ils répondront, c'est Allah. Barakallahu fi. Donc là, qu'est-ce qu'il leur dit, le Allah Azza wa Jal, il leur donne au prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam de leur dire cela. Yani, qui crée, qui donne le risque? Qui fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort? Qui vous donne la subsistance et tout cela? Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Déjà, c'est pas pour les convaincre, comme on avait dit, de croire qu'Allah est le créateur. Là. Mais ça, c'est pour leur rappeler toutes ces ni'am-là. Et si vous comptez tous les bienfaits d'Allah, azawajal, vous n'arriverez pas à les énumérer. Donc là, regardez, c'est Allah qui te donne ça. C'est Allah qui fait cela. C'est Allah qui... Hein? Et donc ça réfère à quel type de tawhid? Al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Pour résumer très rapidement tawhid al-Rububiyya, ça inclut quoi? La Oui, la seigneurie, mais ça réfère à quoi? C'est-à-dire que Allah est au-dessus de tout, c'est le créateur de tout, c'est lui qui donne le risque, c'est lui qui... Pour résumer. L'unicité d'Allah dans la création. Voilà, dans la seigneurie. Dans sa création. C'est-à-dire dans la création, dans le fait que c'est lui qui donne le risque, c'est lui qui peut nuire, c'est lui qui peut donner un bien. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui peut... Yani, qui est capable de faire ce qu'il veut faire. Tu vois? Eh bien, ça, on le résume à... Le tawhid de Rububiya, dans la seigneurie, ce sont les actions d'Allah Azza wa Jal. Donc, en rappelant dans ce verset-là, qui fait, qui crée, qui donne la vie, qui fait sortir le mort du vivant, eux, ils vont dire quoi? Ils vont reconnaître, ils vont l'agréer, hein? Parce que leur dernière phrase sera, ils diront, c'est Allah. Ils reconnaissent ça, ils ne le renient pas, ils ne le rejettent pas. D'accord? Yani, la première règle, elle est basée sur cela. Pour se rappeler que n'importe quel individu sur la planète sait clairement, au fond de lui, qu'il n'y a qu'un seul créateur et c'est Allah. Ou ils vont dire en français, Dieu Tout-Puissant. D'accord? C'est Allah Azza wa Jal. Donc ça, barakallahu fikum. Ce point-là, eux, ils ne le renient pas. Ils ne le renient pas, mais ils vont l'agréer. Ils ne font que constater cela. Qui fait cela? C'est Allah. Donc la première règle est consistée en quoi maintenant que vous avez un important élément de cela? Elle consistait à croire que ça ne fait pas de toi automatiquement un musulman si tu crois qu'Allah est ton créateur. Tu crois que certes Allah a créé, mais tu n'es pas automatiquement un musulman. Pourquoi? Parce que la tribu de Quraysh, parmi les kuffars qui étaient de Quraysh, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont argumenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ne reniaient pas l'existence d'Allah. Ils ne reniaient pas qu'Allah c'est le seul créateur. Ils ne reniaient pas que seul Allah pouvait donner le risque, que seul Allah donne le risque, que seul Allah peut nuire ou yani, donner le bien ou empêcher un mal ou quoi que ce soit. Il n'y a que Allah azza wa jal qui a le pouvoir sur toute chose. Ça, il ne le reniait pas. Et pourtant, Allah dit, vous ne le craindrez-vous donc pas? Voilà, ça veut dire, si tu crains Allah Azza wa Jal, parce que dans un autre cours, vous en souvenez, quelle est la définition de la taqwa? Ah, là, il va falloir revoir dans les notes. La crainte pieuse. La taqwa, voilà, c'est quoi? C'est le fait de... Allah, il t'observe. Non, là, tu vas parler, c'est vrai. Hein? Non. Faut penser que Allah te voit constamment et de le craindre Allah à tout moment. Oui, mais en fait, à chaque fois que vous avez un terme, pensez à deux points. Premier point, il faut que je le comprenne linguistiquement. Deuxième point, il faut que je le comprenne selon le shara, c'est quoi? Ça fait rien que lorsque, à chaque fois, c'est-à-dire que même lorsque maintenant on réfléchit, on a une question comme ça, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il doit avoir automatiquement dans notre tête comme une fiche qui se met linguistiquement c'est quoi et selon la législation c'est quoi? Et comme ça on pourra relier c'est quoi la définition de ça dans la crainte avec ce qui est voulu dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc la crainte, taqwa, huwa min at-tawaqqi, c'est le fait de prendre ses précautions, se protéger. Comme l'individu, on avait dit, va se protéger du froid en mettant un certain nombre de vêtements pour le protéger du froid. D'accord? Ou il va se protéger de l'intensité du soleil en se mettant à l'ombre. D'accord? Yani, c'est une protection. C'est une protection, se protéger de. D'accord? Et dans le shara, dans la législation, vous en souvenez, c'est la définition de un des tabi'i, Ibn Habib, rahimahullah. Hey, les notes, elles sont où? Hein? Alors? Le hadith, tu cherches? Un ta'amel, la définition de la taqwa dans la législation. Un ta'amel, hein? Un ta'amel? Observer les obligations. Que tu agisses par obéissance à Allah. Ala nourin min Allah, par une lumière d'Allah. C'est quoi la lumière d'Allah? C'est le science. Avec science. C'est-à-dire que tu adores Allah, tu obéis à Allah avec quoi? Avec connaissance. Avec connaissance. Si tu adores Allah, tu fais telle chose parce que tu sais, tu l'as compris, tu le sais. Hein? Et le troisième point, c'est quoi? Tarja khawab Allah. Tu souhaites la récompense d'Allah. Tu agis sur une obéissance à Allah. Avec, par obéissance à Allah, avec une connaissance sur une lumière d'Allah, c'est-à-dire avec connaissance, souhaitant la récompense d'Allah. Et la deuxième partie de la définition, la récompense. Non, enfin, là, on l'a dit, la troisième, les trois points, en fait, d'être pour agir avec, par obéissance, adorer Allah. Wa antatruk, et que tu délaisses ma'asiyatillah, que tu délaisses la désobéissance à Allah. Ala nourin min Allah, par obéissance à Allah, par une lumière d'Allah, d'accord? Tercha iqab Allah. Tu crains le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Donc, linguistiquement, c'est une protection. Ça provient de tawaqi, prendre ses précautions, se protéger. Dans le shara, dans la législation, c'est le fait de agir sur l'obéissance à Allah, sur une lumière d'Allah qui est la connaissance avec science, souhaitant, si tu fais cela, tu souhaites la récompense d'Allah. Et que tu évites, tu t'écartes, tu délaisses la désobéissance à Allah, à la nourin min Allah, sur une lumière d'Allah, ça veut dire avec connaissance, avec science, tu crains son châtiment. Donc là, ne le craignez-vous donc pas, à la fin du verset. Donc tu leur rappelles que c'est Allah Azza wa Jal qui les a créés. Tu leur rappelles cela. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils l'agréent, ils l'attestent. Ils ne le réfutent pas. Les mouchriquines, ils disent, oui, c'est Allah. Il leur dit, qui a fait cela? Ils disent directement, c'est Allah. Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cela. Il ne leur a pas dit de commencer à dire, mais vous savez très bien que c'est Allah. Non, il leur a dit, mais qui fait cela? Et eux, d'eux-mêmes, ils disent, c'est Allah. Donc ça, ils le savent, mais alors là, sans aucune ambiguïté, que celui qui donne le risque, celui qui crée, le seul, donc yani, unique dans cela, c'est Allah, Azza wa Jalla, le Très-Haut. Les mouchriquines attestent cela. Ne le craignez-vous donc pas? Donc ça veut dire que si tu sais cela, tu ne vas pas le craindre. Donc là, c'est que, vous vous en souvenez ce qu'on avait dit, à chaque fois que vous lisez dans le Coran, hein? Qu'Allah Azza wa Jal c'est le créateur, qu'Allah Azza wa Jal c'est lui qui donne, hein? Wallahu khayrul raziqin, à la fin de la sourate al-Jumu'ah, et qu'Allah est le meilleur des pourvoyeurs, d'accord? Tu lis tout cela, c'est pas pour convaincre les gens que Allah c'est leur créateur, c'est pas pour les convaincre, parce que les gens savent cela, mais c'est pour leur rappeler que lorsque tu sais cela, cela doit te mener à quel type de tawhid? L'uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. Le monothéisme dans l'adoration. Tu agrées cela, tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'a créé, ton sang coule dans tes veines, ton cœur bat, tu respires, tu clignes des yeux, tu écris, tu fais plein de choses que tu ne t'en rends pas compte. Que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné toutes ces ni'am, tous ces bienfaits. Ne le crains-tu donc pas? Tu sais que c'est lui qui t'a donné ça. Tu le sais, tu l'agrées que c'est lui le seul créateur, l'unique créateur. Donc tu ne le crains donc pas? Tu ne vas pas te mettre à adorer Allah Azza wa Jal? Tu ne vas pas te commencer à délaisser ses interdits? Et le plus grand des interdits, c'est quoi? C'est le shirk. C'est le shirk. Donc déjà, si tu t'adresses aux mouchriquines, dès que tu leur rappelles tout cela, alors si tu sais que c'est lui qui t'a donné ça, pourquoi tu vas aller voir les autres? Invoquer autre qu'Allah. Sachant qu'il est unique dans... Tu attestes que Allah est unique dans cela. Il est unique dans la seigneurie et il ne le serait pas dans l'adoration. Subhanallah. Ça, c'est pour ça que c'est la plus grande des injustices. D'accord? C'est la plus grande des injustices. Comme Allah Azza wa Jal dit, dans surat Luqman, lorsque Luqman, c'est un pieux qui conseille son fils, il lui dit, « Ya bunay, la tu shirk billah, inna shirka la dhulmun azim. » « Oh mon fils, n'associe rien à Allah, car l'associationnisme, le polythéisme, est la plus grande des injustices. Tu sais cela, d'accord ? Tu sais que tu ne connaîtras jamais la sécurité tant que tu associes quoi que ce soit à Allah. Quelle est la preuve de ça ? De ce que je viens d'avancer là. Tu ne connaîtras jamais la sécurité si tu associes quoi que ce soit à Allah. Quelle est la preuve dans cela ? Sourate. Ça, sourate Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le concept de sécurité ici, il n'est pas. Sourate Yunus. Oui, effectivement, le fait que Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc tu ne serais pas en sécurité si tu. Mais il y a un verset dans sourate Al-An'am qui mentionne clairement Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et ne mélangent pas, ne corrompent pas leur foi avec quelque type d'injustice. Donc les Sahaba radhiyallahu anhum sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Mais qui d'entre nous ne commet pas d'injustice ?» Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné, vous voyez l'importance de revenir à Allah, à l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Ce n'est pas cela qui est voulu, c'est le fait, l'injustice ici, c'est le shirk billah, qui est la plus grande des injustices, parce qu'il a dit « N'avez-vous pas entendu la parole de cet homme pieux, Luqman ?» conseillant son fils, inna shirka la dhulmun azim. D'accord ? Vous voyez les liens qu'il y a entre eux ? Les versets baraklofiques. Donc ce qu'il y a, c'est que ceux qui ont cru et ne mélangent pas leur foi avec quelque type d'associationnisme, de polythéisme, ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. Vous voyez ? Baraklofiques. Donc, dans la première règle, barakallahu fikum, dans la première règle, on se rappelle, la première règle des quatre règles, c'est que les polythéistes, croyant qu'Allah est leur créateur, pour résumer, si je veux résumer, cela ne leur a été bénéfique en rien s'ils ont refusé d'adorer Allah azawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans différencier entre eux. Même s'ils croient en Allah, ils ne sont pas musulmans. Non, ce sont des kuffars, ça c'est clair. Celui qui croit en Allah, qui croit qu'Allah est le créateur, mais refuse de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, refuse de le suivre, ce n'est pas un croyant celui-là. C'est là l'associationnisme dans l'adoration. Hein ? J'ai la plus grande des injustices, c'est l'associationnisme dans l'adoration. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'on avait mentionné, un autre point ? Si vous écoutez l'audio là, on avait mentionné un autre point sur cette première règle-là. Barakallahu fik, Aziz. Parce que les mouchriquines, les polythéistes, eux, n'ont jamais associé quoi que ce soit dans la seigneurie, dans Tawhid al-Rububiyya. D'accord ? Eux, ils associaient dans quoi ? Dans l'Uluhiyya, dans l'adoration. Ils n'ont jamais dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui crée avec Allah. Ils n'ont jamais dit que quelqu'un donne le rizq avec Allah. Ils n'ont jamais dit que quelqu'un peut faire sortir le vivant du mort et le mort du vivant avec Allah. Ils n'ont jamais dit cela. Mais il avait dit, mais beaucoup qui s'affiliaient à cette communauté faisant partie de Ahl al-Kalam, les gens de la rhétorique, de la raison, qui disent attention, il faut que tout soit conforme à ma raison, sinon je ne l'accepte pas. Ceux-là, ils disent que le shirk, c'est le shirk qui est voulu, qui est mis en garde, c'est le fait d'associer dans la seigneurie. Mais ça, c'est pas correct. Il n'y a aucun mouchrik sur la surface de la terre qui est associé dans la seigneurie, excepté parmi certains arrogants. D'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun polythéiste associateur qui va venir te dire que, eh bien, lui, il peut créer comme Allah crée. Non, eux, ils savent. Moi, je vous l'ai dit, j'avais des discussions avec différents types de mouchrikines, notamment ceux qui se disaient hindous. Au Royaume-Uni, il y en a plein. Le mouchrik, là, c'est quoi ? T'as les hindous ? Les hindous sont des gens qui viennent d'Inde. Donc, on dit les Indiens pour ceux qui viennent d'Inde. On ne dit pas les hindous. Les hindous, c'est une religion de kofra, de mécréance, là. Le problème, c'est que tu ne différencies pas entre un Indien qui est musulman et un Indien qui est hindou. Tu vois ? Et donc, dès que j'avais posé la question, donc je ne savais pas si c'est un musulman ou quoi. je donne le selam, parce que je pensais que c'était un musulman. Mais voilà, il répondait pas et tout. Et je voyais en fait que voilà, donc j'ai compris que c'était un hindou. Et donc je continue à parler avec eux, et donc j'ai continué le chemin avec eux, en espérant leur faire la da'wa. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, certes on adore différentes divinités, hein, mais nous tous, on croit, soi-disant, regarde, on a quelque chose en commun, quoi. Il dit, nous tous on croit qu'il y a un créateur suprême. Tu vois ? Je lui ai dit, tu sais qu'il y a un créateur suprême et tu ne l'adores pas, mais tu adores ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas des créateurs, mais qui sont des créatures, tu n'adores que des créatures. Et tu délaisses l'adoration unique au créateur. Bon, il n'avait rien trouvé d'autre à dire, parce qu'effectivement, il se rend compte qu'il suivait la tradition de ses ancêtres. Mais Allah al-Musta'an, eux, ils ne renient pas qu'Allah est leur créateur. Première règle, eux, ils ne renient pas les mouchriquines, les polythéistes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu sans différencier entre un adorateur d'une tombe ou des anges ou des prophètes. Tous, ils ne reniaient pas qu'Allah est leur créateur. Premier point. Et le fait qu'ils n'ont pas renié qu'Allah est leur créateur, ça ne leur a été bénéfique en rien s'ils n'ont pas suivi le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans les différencier entre eux. Donc ça, c'est le premier point. D'accord ? Barakallahu fikoum. Et ce n'est pas, hein, comme on avait dit dans la première règle, ceux qui disent « Allah, alors c'est de croire « La ilaha illallah », c'est de croire qu'Allah est ton créateur. » Ça, c'est faux, ça. De dire que « La ilaha illallah », ça veut dire cela. Certes, Allah, c'est le créateur, il n'y a aucun doute dessus, c'est l'unique créateur. Mais « La ilaha illallah », ça veut dire que nul ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. D'accord ? Que l'adoration doit être vouée exclusivement et uniquement à Allah Azza wa Jal seul, sans associé. C'est ça que ça veut dire. Et que, en plus, dans la ilaha illallah, on doit clairement dire que l'adoration doit être vouée uniquement à Allah. Mais en plus, qu'est-ce qu'on doit coller à cela ? Le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Celui qui ne se désavoue pas de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, elle ne lui est pas bénéfique, la ilaha illallah. Quelle est la preuve de cela ? Le matin, c'est pas pareil que la nuit. Ah ben, le matin, normalement, on est plus réveillé, parce qu'on est plus... Donc, en gros, la preuve que la négation de... La preuve du désaveu. Du désaveu par rapport à... La ilaha, c'est pas juste se tenir à dire que on doit adorer qu'Allah et qu'Allah, c'est le seul créateur. Certes, sachant qu'Allah c'est le seul créateur, seul lui mérite l'adoration en toute vérité. Seul lui mérite l'adoration en toute vérité. Mais en plus, on doit coller à cela le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc celui qui ne fait pas le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, pour vous faciliter la preuve. Le verset que tu leur as fait dire tout à l'heure. Oui, certes, mais vous pouvez argumenter avec quelqu'un à la source sahih, quoi. Hein? Il faut une preuve qui coupe tout discours. L'attestation, elle commence déjà par la négation. Donnez-moi une ayah et un hadith. Un hadith. Bon, je vais vous aider dans Sourate al-Baqarah. Et une preuve qui est dans Sahih Muslim. Rapportez. Dans Sourate al-Baqarah. Ben. Tout le Coran est sur ça. Hein? Non, ça c'est le Bayina. Avant. On va dire après Ayatul Kursi. Non, juste après là, qui est juste après. Oui, c'est. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Alors là, vous avez la preuve, hein, qui va couper court à toute discussion philosophique, etc. Quiconque mécroit au taghout, le taghout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord ? Pour être court. ويؤمن بالله, croit en Allah, celui-ci a saisi l'anse la plus solide. Le hadith maintenant dans Sahih Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala la ilaha illallah, quiconque dit la ilaha illallah, quiconque dit nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Son sang et ses biens sont sacrés, son jugement revient à Allah. Le hadith là, il est sahih muslim. Donc là, le désaveu, il est essentiel, indispensable. Celui qui ne fait pas le désaveu, celui qui comprend la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Il comprend ce que ça veut dire. Il la prononce, mais ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Eh bien, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Elle ne lui est pas bénéfique, la ilaha illallah. Miftah al-Jannah, la ilaha illallah, comme a dit le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Donc on en revient au tout début. Si tu leur dis qui a fait, c'est Allah. Mais à côté de ça, ils ne croient pas à leur... Barakallahu fiq. Donc là, ne le craindrez-vous donc pas. Tu sais que c'est Allah le créateur, tu sais l'unique créateur, c'est, tu sais que Allah Azza wa Jalla, il est unique dans sa seigneurie, il est unique dans les actions qu'il fait, aucun associé dans cela. Donc, tu dois te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est la négation au début de l'attestation. Et tu dois unifier Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Tu dois coupler les deux, tu dois avoir les deux, tu dois assembler les deux. Affirmation, négation. Comme dans la shahada. La ilaha illallah. Première partie, deuxième partie. Première partie, négation. Deuxième partie, affirmation. Donc, vous voyez la première règle. Elle inclut cette partie-là, qui est les polythéistes, les associateurs, reconnaissez qu'Allah est leur créateur. Qu'Allah est l'unique dans cela, mais ça, c'est pas pour autant que ça a fait deux des musulmans. En fait, Allah, ce qu'il veut nous faire montrer, c'est la gravité de l'associanisme dans tout ça. Je veux dire, vraiment, la plus grande injustice, en fait, dont la sourate Luqman avec son fils, l'important. Mais c'est de là confronter les polythéistes, oui, et leur dire, mais tu sais que c'est Allah qui t'a créé. Pourquoi alors vous-tu l'adoration à autre qu'Allah? Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième règle. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième règle. Parce que, vous voyez, dans les quatre règles, la première, elle va vous détailler, eux, ils se tiennent sur quoi? Ils agréent qu'Allah c'est leur créateur. Mais ils agréent qu'Allah c'est leur créateur, mais ça ne fait pas pour autant d'eux des musulmans. D'accord? Deuxième règle, voilà comment ils vont justifier maintenant leur polythéisme, leur shirk. D'accord? Al-Qa'idatu Thaniya. Annahum yaquluna ma da'unahum wa tawajjahna ilayhim illa li talab al-qurba wa al-shafa'a. Ce qu'ils disent, nous ne les invoquons. Hein? Il parle des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah. Nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. D'accord ? فَالدَّلِيلُ الْقُرْبَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah. Est-ce qu'on a compris la première phrase là ? Qu'est-ce qu'ils disent les associateurs là ? Ils savent qu'il y a Allah, mais pour se rapprocher encore plus de lui, ils ont besoin de justement d'associer à Allah les choses mondaines de la vie ou les créatures, voilà. les créatures qui sont créées. Alors que le seul qui mérite, qui est le créateur dans tout ça et au-dessus de tout, c'est Allah. Non, donc eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à se rapprocher d'Allah et ils cherchent que les choses avec lesquelles ils s'approchent, ces idoles et tout cela qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils espèrent qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Eux, ils aiment Allah. Quelle est la preuve que les mouchriquines aiment Allah? Que les polythéistes aiment Allah. Ils ne détestent pas Allah. D'accord? Eux, ils aiment Allah. Mais quelle est la preuve de cela? Quel verset? Oui. Aussi, dit si vous aimez vraiment. Parce que, oui, barakallahu fik, effectivement. Je ne pensais pas à ce verset-là. Parce que eux, ils prétendent aimer Allah. Des juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétendaient qu'ils aimaient Allah. Donc Allah azza wa jalla les a testés sur leur véracité de leur amour. Dites si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors, si tu aimes vraiment Allah, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va prouver que tu aimes Allah. D'accord? Allah vous aimera alors. Parce que c'est pas juste chercher à aimer Allah. Mais c'est certes aimer Allah, mais chercher à se faire aimer par Allah. Et chercher à se faire aimer par Allah, ça implique le craindre et tout ce que ça implique, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc là, dans la deuxième règle, c'est que les mouchriquines, les polythéistes, ils disent, on invoque en fait ces statues-là. Non, on n'a pas... Première règle, on n'a pas renié qu'Allah c'est le créateur. Non, on sait qu'Allah c'est le créateur. D'accord ? Et on avait vu que eux, aucun des mouchriquines, des polythéistes, ne remettait en question cela. Et qu'aucun d'entre eux n'associait Allah dans la création. D'accord ? Dans le premier type de tawhid, aucun d'entre eux n'associait Allah dans tawhid al-rububiyya, dans le pur monothéisme, dans la seigneurie. La deuxième règle, maintenant, ils vont essayer de justifier. On va comprendre c'est quoi leur justification. Alors eux, ils disent, ils aiment Allah, j'avais demandé la preuve. Ce qu'Allah Azza wa Jal dit, que eux, ils aiment effectivement, hein, ils aiment Allah. Mais ils aiment avec Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Mais Allah Azza wa Jal, à la suite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mais ceux qui ont cru aiment Allah, sont les plus ardents en amour pour Allah. Ça veut dire aiment Allah au-dessus de tout. Et c'est ça la croyance du musulman, c'est qu'il aime Allah au-dessus de tout. Tandis que les associateurs, ils aiment leurs idoles comme ils aiment Allah. Et donc ça, c'est ce type de polythéisme, ça s'appelle comment ? Polythéisme grand, majeur. Oui, c'est majeur ça, mais ça s'appelle comment ? Dans quoi ? C'est dans quoi ? C'est dans l'obéissance, dans l'amour, dans l'adoration. Oui, mais c'est pour spécifier son nom, ce type de polythéisme. C'est shirk fil mahabba. Polythéisme, l'associationnisme dans l'amour. Parce que comme on le verra dans l'autre cours, Inch'Allah, qu'on va continuer là, qu'on faisait les vendredis, les différents types de tawhid, de shirk. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla n'a besoin, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla n'a besoin de personne. Mais Allah Azza wa Jalla l'interdit cela. Clair. Parce que, pour preuve, il a mis un châtiment énorme qui est l'éternité en enfer pour celui qui meurt sur cela. Sans repentance. Celui qui meurt sur cela sans repentance, en associant quoi que ce soit à Allah, il est en enfer pour l'éternité. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal, hein, a décrété pour ce genre d'individu. Donc, on a vu la première règle, c'est quoi ? Deuxième règle, ils disent quoi ? Nous ne les invoquons. Nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux, yani à ces idoles-là, que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Et quelle est la preuve sur ce qui est avancé ici ? قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Tandis que ceux, dans la traduction du sens du verset, ça c'est sourate Az-Zumar, verset 3. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, yani en dehors d'Allah, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Donc là, on comprend déjà que le fait de rechercher des protecteurs et des intercesseurs en dehors d'Allah, d'accord, ou la demander autre qu'Allah, cela c'est de la mécréance. D'accord ? Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. والدليل الشفاعة قوله تعالى. La preuve maintenant dans qu'ils demandent l'intercession. Ils demandent l'intercession à qui ? Aux morts, aux idoles et tout cela. Espérant qu'ils vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Parce qu'ils aiment Allah. Ils aimeraient se rapprocher d'Allah comment ? En adorant ses statues, ses hommes morts et tout ça. Donc eux, ils veulent se rapprocher d'Allah par cela. D'accord ? Donc, La preuve maintenant qu'il demande l'intercession, c'est qu'Allah Ta'ala, « Wa ya'buduna min dunillah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa yakuluna ha'ulai shufa'auna inda Allah. » D'accord ? Sourate Yunus, verset 18. Et le fait qu'il leur demande l'intercession est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Mais subhanallah, ils sont aveuglés ces gens-là, c'est pas possible. De là, comme une statue, rien que la preuve avec... Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Lorsqu'on voit en fait le comportement et la croyance des polythéistes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on voit de nos jours, commence à parler avec quelqu'un de ta famille qui va tous les ans à Sidi je sais pas quoi et qu'il est obligé de lui ramener un couscous. Tu vas voir là, comment il va te regarder de travers si tu commences à parler dessus. Après, ce que je comprends pas, c'est dans le Fatiha, par exemple, surtout pour les musulmans qui sont dans cette logique. Oui. Mais c'est pas, pour qu'est-ce qu'on avait mentionné lors d'une des khutbahs Al-Ladina, ceux qui lisent le Coran, c'est-à-dire que qu'il récite le Coran avec toute sa récitation bonne, d'accord? C'est pas juste comme beaucoup croient que lorsqu'ils lisent le Coran et ils entendent quelqu'un qui va te chanter le Coran lorsqu'il va réciter dans les tarawih, tu vois ce que je veux dire? Ils croient que c'est cette ayah là. C'est pas ça. La ayah mentionnant sur ça, c'est le fait que il médite lorsqu'il récite, il médite sur ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Il médite. Naam, la récitation, le fait de, on va dire, salmodier, c'est tajwid plutôt, ijawid, tu vois. Donc, le tilawa, le fait de réciter, ou si tu veux, plasmodier, famille. Mais là, c'est quoi? C'est pas juste réciter pour réciter. Mais c'est lorsque tu récites, tu te rappelles ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le Coran peut être une preuve pour toi ou contre toi. C'est-à-dire que tu récites une ayah, ou tu récites qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné ceci, ceci, ceci, et interdit ceci, ceci, ceci. Tu le récites, mais que toi-même tu fais cet interdit. Je l'applique pas. Est-ce que celui-là et celui-ci le récite Barakallahu fikum. Tu disais aussi le fait, la preuve que les sahaba, ils s'arrêtaient. Naam, il a mémorisé 10 versets, ne passait pas aux 10 autres, jusqu'à ce qu'ils l'ont bien maîtrisé, mis en application, bien compris, et ensuite passe aux 10 autres. Là, ce que tu avais mentionné, Barakallahu fik, certes, il récite de nombreuses fois par jour, minimum dans les 5 salettes, après ceux qui font des nefs, il a des nawaf, le qiyam, tout cela, il récite. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi que nous adorons, et c'est Barakallahu fik, en toi seul qu'on demande l'aide, le secours. D'accord? Yani, il recherche l'aide en Allah seul. Et il affirme et il dit qu'il n'adore qu'Allah Azza wa Jal. Donc comment se fait-il que hada salla? Et puis il va aller soit à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine lorsqu'il a un peu de temps là, après la Omra, et puis il va aller, une fois qu'il a fait la Omra, il va faire une visite, et puis ou bien dans nos bleds, il va aller voir Sidi, je sais pas quoi. Il récite cela, pourquoi? Parce que hada, il l'a récité et il comprend pas, il s'en rend pas compte. Donc tu vois, Barakallahu fik, de quand on avait une discussion, voilà, il y en a, mais pourquoi, quel est l'intérêt d'étudier les Aqsam al-Tawhid, ben voilà. Il ne sait même pas quelle est la partie de Tawhid al-Uluhiyya dedans. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce que ça implique? Quel est Tawhid al-Rububiyya? Qu'est-ce que ça implique? Et donc, c'est pour cela qu'il mélange cela. Et c'est pour ça qu'il ne donne pas d'intérêt ou d'importance à l'adoration qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. Donc là, Barakallahu fikum. C'est la priorité des priorités. Naam. Pour une base solide. Quoi. Ça va aller, juste un peu. Donc, le fait qu'ils demandent, ils leur demandent l'intercession est indiqué donc par cette parole-là. Ils adorent au lieu d'Allah, en traduction au sens du verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc déjà, d'accord, on va expliquer cette première partie-là. Parce qu'elle continue, là, la deuxième règle. Mais je continuerai la lecture de la deuxième règle lorsqu'on arrivera à ce niveau-là. Donc il dit le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, l'explication qu'ils disent, hein, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en, leur, en notre faveur. القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. Donc là, c'est ce qu'on avait vu en tant que rappel. Ce qui dit le cheikh, que les associateurs, les polythéistes, que qu'Allah Azza wa Jal a nommé comme étant des mushrikines et des polythéistes, des associateurs, et qu'il a jugé que eux, leur jugement sera que s'ils meurent sur cela, ils seront en enfer pour l'éternité, ils n'ont pas associé à Allah dans la seigneurie. D'accord ? Mais ils ont associé à Allah dans l'adoration. D'accord ? فهم لا يقولون إن آلهتهم ترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله. Donc eux, ils ne disent pas que leurs idoles donnent la subsistance ou bien peuvent être bénéfiques ou nuire ou bien peuvent contrôler les choses avec Allah Azza wa Jal. Ils ne disent pas cela. D'accord ? Ils ne disent pas cela. وإنما اتخذوهم شفعاء. Mais ils les ont pris comme des intercesseurs. En fait, les shaitans, ils leur ont embelli leur action. Ben oui. Ben oui. Quand tu vois, ils sont en bas. كما قال تعالى, كما قال الله تعالى عنهم, comme Allah Azza wa Jal a dit, leur concernant, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Comme dans la traduction au sens du verset, Allah Azza wa Jal dit à leur propos, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون. Eux, ils concèdent cela, ils reconnaissent le fait que leur divinité, leurs idoles, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils reconnaissent que ils ne peuvent ni leur être bénéfiques, ni leur nuire. وَإِنَّمَا أَتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ. Mais ils les ont pris comme intercesseurs auprès d'Allah. يَعْنِي وُسَطَى. C'est-à-dire des intermédiaires. C'est quel groupe qui dit que... Tu avais parlé de ça une fois, je crois. Que ouais, toi, tu es, genre, tu es sale, tu es pas propre, tu fais des péchés. Soufi, il y a ça. Ils te disent... ça vient d'où, cette chobha, ouais. L'intermédiaire. L'islam, c'est la seule religion où est-ce que... C'est direct à Allah Azza wa Jal que tu demandes. Tu n'as pas d'intermédiaire, tu n'as pas « je vais passer par lui » qui va dire à Allah. Allah Azza wa Jal a dit clairement « ed'ouni yastajib lakum »« invoquez-moi, je vous répondrai. » Et puis j'entends tout, il voit tout et rien ne lui échappe. Barakallahu fik. Et ils vont te dire « mais toi, avec... » Mais ça c'est les maturidiyah, ça c'est encore une autre croyance. Mais ils vont te dire « toi, tu es sale avec tes péchés. Tu fais des péchés, tu es sale. » T'as pas honte, tu demandes directement à Allah. Subhanallah. Alors c'est lui qui s'en c'est lui qui purifie. Il va te dire, t'es sale. Style, t'es pas digne d'invoquer Allah. Et toi, t'es sale. Mais, passe par un tel, qui lui est un homme pieux, et lui va dire à Allah. A'udhu billah. Ça, c'est le shirk clair. C'est pour ça qu'il pense, mais non, lui c'est un wali salih. Je vais aller dire, et lui il va dire à Allah. Subhanallah. Quand il fait du verset, ad'ouni astajib lakum. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni inni ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Barakallahu fik. Je réponds à l'invocation, hein, de celui qui m'invoque. Donc, c'est une relation directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Non. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent des intercesseurs, ils disent. Ils souhaitent que ceux-là, ils disent, ceux-là vont intercéder pour nous auprès d'Allah. Et ils prennent donc des intermédiaires entre eux et Allah. Fi qada hawaijihim, à répondre à leurs besoins. En fait, ils se prennent là, ils organisent une chaîne de transmission jusqu'à Abu Bakr Sadiq, qui lui transmet au prophète, ça ressemble au saut des prophètes, qui lui transmet à Allah Azza wa Jalla. C'est comme ça qu'ils procèdent en fait. Là aussi, barakallahu fikum, comment on peut les réfuter facilement ça? Alors il y a une fitna qui s'est déroulée entre les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Y avait-il un sahabi qui est parti à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah? Impossible. Non! Jamais! Parce qu'ils avaient la aqida claire, ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en étant satisfait de tous ses compagnons. Et Allah azza wa jal les a mentionnés dans le Coran et il est satisfait des parmi tous les gens afin d'être les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jal ne va pas choisir des pervers pour être des sahaba. Non. D'accord? Il sait ce qu'il y a dans le cœur de ses sahaba. Qu'Allah soit satisfait de tous. Donc il les a choisis. Et ils ont été les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aucun d'entre eux n'allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis aucun être sur terre n'atteindra la, je veux dire, la, enfin, la foi, la piété, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Personne ne peut atteindre le niveau, voilà, voilà, ni de piété, ni de, de degré de foi qu'avaient les sahaba. De voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être en sa compagnie, de croire en tout ce qu'il a dit, et, la révéla- et tout ce qu'il a transmis de la révélation d'Allah Azza wa Jal, et de le suivre, de lui obéir, subhanallah, personne ne peut atteindre leur niveau, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, que si n'importe qui d'entre vous récoltait en termes de hasanat le mont Uhud, hein, en hasanat, ça n'égalerait même pas cette quantité-là, le mot de joindre de tes deux mains, de la récompense des sahaba. D'accord, voilà que l'on fait. Donc, eux, qu'est-ce qu'il y a? C'est que hum mu'tarifuna bihada, donc ces mouchriquines là, les mouchriquines, qui n'ont pas renié qu'Allah c'est le créateur, eux, ce qu'il y a, c'est que leur shirk est dans l'adoration, l'uluhiyya. Hum mu'tarifuna bihada innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Ils reconnaissent cela, que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ne peuvent ni nuire, ni être. D'accord, bénéfique. وَإِنَّمَا اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ, mais ils les ont pris comme des intercesseurs. يَعْنِي وُسَطَى عِنْدَ اللَّهِ, c'est-à-dire des intermédiaires entre eux et Allah. فِي قَضَى حَوَائِجِهِمْ, c'est-à-dire dans le fait qu'ils répondent à leurs besoins. يَذْبَحُونَ لَهُمْ, ils sacrifient des animaux pour ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. وَيَنْذُرُونَ لَهُمْ, ils font des vœux pour cela, pour ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Tout ça c'est une ibada qu'ils vouent à autre qu'Allah. لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله. Donc eux, pourquoi ils font tous ces vœux? Pourquoi ils égorgent pour autre qu'Allah? Pour un tel, s'il fait Felden, je sais pas quoi, il va lui donner, il va les faire pour autre qu'Allah. Ils croient intercéder encore plus, se rapprocher. Donc eux, ils savent très bien que ceux-là ne peuvent pas créer. Non, ils te disent, certes, le seul créateur c'est Allah, il n'y a aucun doute dessus, ils vont te dire. Ils sont persuadés que ces gens-là, qu'ils adorent, vont les... Voilà, mais eux, ils les ont pris comme intermédiaires, ils se sont dit, c'est quelqu'un de bien, voilà, c'est telle idole. Lui, ce qu'il y a, c'est qu'il pourra intercéder pour moi auprès d'Allah. Tu vois? Donc, ils égorgent les animaux pour autre qu'Allah, pour ces idoles-là, ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Donc, mais c'est pas parce que... Donc eux, ils savent très bien que ceux-là ne peuvent rien créer. D'accord? Ni les nuire, ni quoi que ce soit, dans leur croyance. Mais ils font cela parce qu'ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. وَيَشْفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ, parce qu'ils considèrent que eux, donc, en les prenant comme intermédiaires, donc, lui, il dira, ok, je vais te faire la shafa'a auprès d'Allah. D'accord? هَذِهِ عَقِيدَةِ الْمُشْرِكِينَ. Ceci, c'est la croyance des associateurs et des polythéistes. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont prendre un tel comme intermédiaire auprès d'Allah. Ils savent que c'est un tel qu'ils l'ont pris. Ne peuvent ni les nuire, ni leur être bénéfique, ni rien. D'accord ? Et le fait du bateau, là, tu avais expliqué, c'est pas mal. De ? Quand ils allaient en mer. Ouais. Ils oublient leur statut. Mais voilà. Da'awallah mukhlisina lahuddin. Vous trouvez cela dans surat al-Luqman. Lorsque vous lisez le surat al-Luqman, c'est vers la fin de surat al-Luqman. Subhanallah. Hein, il suffit que ça y est, ils sont dans les troubles, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont au milieu de l'océan, où est-ce que ça y est, il peut y avoir? Hein, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils se mettent à invoquer Allah Azzawajal en étant sincères dans leur invocation. Puis lorsqu'Allah Azzawajal les sauve de cela, et ils arrivent sur terre, ils retournent à invoquer autre qu'Allah. Parce qu'ils savent que leur statut, eux, ce qu'ils ont dans leur croyance, c'est que leur statut, pourquoi ils font tout cela? Pourquoi ils font les vœux, ils égorgent pour autre qu'Allah et tout cela? Parce qu'ils se disent qu'en faisant tout cela, hein, eh bien, eux, ils vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Ça, c'est la croyance des mushrikines. D'accord? Donc déjà, si on comprend ça, on a compris une grosse partie. Eux, ils font tout cela, ils font leurs offrandes à ces idoles et tout cela. D'accord? Ils font leurs offrandes. En faisant tout cela, eux ils disent que, eh bien, eux sera leurs intercesseurs auprès d'Allah. Voilà, ils ont aussi, ils font aussi des offrandes aussi pour la réussite dans leur vie, etc. Ou ils font leur voilà, leur vœu, parce qu'ils savent qu'ils vont se dire, bon vas-y, si j'ai le bac, si j'ai le bac, d'accord. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils vont le prendre comme intercesseur. Ils savent que c'est pas lui qui va lui donner cette réussite-là. Ils savent. Mais il se dit que moi, je vais passer par lui. Et lui, il va dire à Allah. D'accord ? Et à faire un... Mais eux, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Barakallahu fik na'am. Mais eux, qu'est-ce qu'ils recherchent dans cela, dans leur aqid, hein ? C'est l'intercession. Ils les prennent comme intermédiaires. Mais na'buduhum, eux, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Nous ne les adorons. Illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Que pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Eux, ils voulaient se rapprocher d'Allah en adorant leurs statues, leurs idoles. Premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est que eux, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent aussi que cela, hein, comme Allah Azza wa Jalla a dit clairement, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ceux-là seront nos intercesseurs auprès d'Allah. D'accord? Donc la aqida des mushrikines, c'est quoi? C'est qu'ils savent que ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah ne peuvent ni leur être bénéfiques, ni les nuire. D'accord? Ils vont les prendre comme intermédiaires auprès d'Allah. Ils vont dire, demande à lui qui va dire à Allah. En les prenant comme intermédiaires, en faisant tout cela, eux, ils se disent qu'ils vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ça va l'heure, hein? Donc, que je note le point ici. Que je sache où est-ce qu'on en est. Donc, je vais terminer juste avec ce point-là. Comme ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, on passera. Non, on est encore dans la deuxième. On passera en fait avec le shafa'a, les deux types de shafa'a. D'accord ? Juste, je termine sur cela. Wa anta, ce que dit le Cheikh Salah Fawzan Hafidullah, wa anta lamma tunaqish al-an quburiyan min al-quburiyin. Ça, c'est un bon exemple qu'il va donner. Il a dit, toi, lorsque maintenant tu vas discuter, avoir une discussion, hein, avec un adorateur des tombes. Yaqul, hadhihi al-maqala sawa'an bi sawa'. Il va dire exactement cela, qu'il prenne ce mort-là pour qu'il intercède en sa faveur auprès d'Allah. D'accord ? Yaqul. أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع. D'accord? Il va te dire quoi, celui qui adore la tombe? Il va dire, moi je sais, hein, que celui-là, là, cet homme pieux-là qui est mort, ou ce wali, ce bien-aimé d'Allah, d'accord, ne peut ni nuire, ni m'être bénéfique. ولكن هو رجل صالح. Mais c'est un homme bon. D'accord? وأريد منه الشفاعة لي عند الله. Sachant que c'est un homme bon, moi j'aimerais que son intercession auprès d'Allah. D'accord ? Moi j'aimerais son intercession auprès d'Allah. Vous voyez ? Donc, voilà la croyance en fait des mushrikines. Donc on va s'arrêter là et puis la semaine prochaine, inshallah, on verra les types de shafa'a. Barakallahu fikum. Et tu peux faire l'adhan, inshallah. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.